Bosco Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Ce 15 octobre, c'est la journée mondiale du lavage des mains. Le thème retenu pour cette année, s'unir pour l'hygiène des mains universelle. Plus de 4 milliards de francs burundais ont été versés sur le compte du Trésor public par différents secteurs du ministère de la Justice au cours du trimestre écoulé. C'est la ministre de la Justice qui l'a déclaré ce vendredi. Dans ce journal également, dans les nouvelles de Provence, nous irons à Tchankouzo pour vous dire qu'une seule famille sur plus de 80 des Batois de la commune Kigamba vit en union légale. Les 79 autres vivent en union illégale au niveau de la commune Kigamba. L'on annonce une multiplication des séances de sensibilisation. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. Ce 15 octobre, c'est la journée mondiale du lavage des mains. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida fait remarquer que depuis 2008, le Burundi, à l'instar de tout le pays du monde entier, célèbre le 15 octobre la journée mondiale du lavage des mains, une journée de sensibilisation au niveau mondial, régional et national, consacrée à accroître l'importance du lavage des mains avec du savon, en geste simple, efficace et économique pour prévenir les maladies et sauver des vies. Et cette année, le thème de la journée mondiale du lavage des mains est « S'unir pour l'hygiène des mains universelles ». L'action commune et la collaboration sont essentielles pour la réussite et la durabilité des stratégies d'hygiène des mains, écrit-on dans ce communiqué. Ce thème est une illustration des conduites et comportements développés pour faire face à la menace de la maladie à virus Ebola et une réponse efficace pour faire face au COVID-19, lit-on dans ce communiqué parvenu à notre rédaction. Plus de 4 milliards de francs bourgeois ont été versés sur le compte du Trésor public par différents secteurs du ministère de la Justice au cours du trimestre écoulé. La ministre de la Justice, Dominique Banyangimbona, l'a déclaré ce vendredi lors de la présentation des réalisations du premier trimestre de l'exercice budgétaire 2022-2023. Elle a indiqué également que plus de 1000 titres fonciers ont été enregistrés après les sensibilisations à l'endroit de la population. Suivez-la. En matière de sécurisation foncière, le ministère de la Justice a poursuivi la sensibilisation de la population sur l'enregistrement des terres. C'est dans ce cadre que 1915 titres de propriété ont été délivrés par la Direction des titres fonciers et du cadastre national, soit une amélioration de 24% par rapport au trimestre précédent. Ce service a également fait une rentrée au trésor public d'un montant de 300 milliards 40 millions 419 361 francs bourgeois. Les autres secteurs de la justice ont aussi enregistré des recettes au nom de l'État qui s'élèvent à 1 milliard 890 840 849 francs bourgeois. Entre autres, le secteur judiciaire a fait des rentrées de 1 milliard 748 millions 640 802 francs bourgeois. L'inspection générale de la justice, 4 828 000. Direction des affaires juridiques et du contentieux, 76 095 547 francs bourgeois. Direction des affaires judiciaires, 934 millions. Direction générale des affaires pénitentiaires, 60 346 500 francs bourgeois. Et le centre d'études et de documentation juridique, 10 306 400. Ainsi, le total des montants versés sur le compte du Trésor public au cours du trimestre s'élève à 4 940 556 610 francs bourgeois. La ministre en charge de la justice, Dominique Banyangimbona, précise également que plus de 1000 prisonniers ont été libérés encore une fois. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique pénitentiaire, 522 détenus remplissant les conditions exigées ont pu bénéficier des mesures d'allègement des peines comme la libération conditionnelle. Ceci rencontre le souci du gouvernement, l'étant vieille, l'étant gosse, de désengorger les prisons et d'appeler la population à s'atteler aux travaux de développement. Aussi, les RISO ont été appelés à initier des activités génératrices de revenus et pour ce trimestre, celle de Gitega a déjà construit une étable moderne pour l'élevage des chèvres. Le ministère de la Justice a fait une assistance juridique et judiciaire en faveur de 800 avec la loi. Il a fallu mettre des avocats à leur disposition pour la défense juridique. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Nouvelle de Provence, à présent, une femme de la colline Rugunga en commune Guihanga de la province Bubanza est dans les mains de la police. Depuis ce vendredi, elle est accusée d'avoir jeté un bébé d'environ 2 semaines dans une latrine. Selon les témoins sur place à Rugunga, ce sont les passants qui ont entendu les cris de l'enfant et l'ont retiré vivant de cette fosse. L'enfant a été remis aux familles de cette femme et celle-ci a été remise à la police pour enquête selon l'administration locale. Les voisins font savoir qu'il y avait un malentendu dans son couple. Une seule famille sur plus de 80 des Batois de la commune Kigamba en province Tiankouzo vit en union légale. Au moment où la représentante de ces Batois dit que l'administration ne fournit pas beaucoup d'efforts pour que les Batois célèbrent leur mariage légalement, la conseillère chargée des affaires administratives et sociales en commune Kigamba rétorque que malgré la sensibilisation, ces Batois posent toujours des conditions pour leur inscription à l'état civil avant le mariage. Au niveau de la commune Kigamba, l'on annonce qu'on va multiplier les séances de sensibilisation. De Tiankouzo, Raymond Moudende. Sur plus de 89 familles Batois vivant en commune Kigamba de la province Tiankouzo, une seule famille seulement vit en union légale. Des hommes matois interrogés sur le pourquoi ils ne veulent pas célébrer les mariages légalement disent que les femmes matois, une fois inscrites à l'état civil, déshonoreraient l'époux après le mariage. Mais Signorine Dayambaye, représentante de la communauté matois de la commune Kigamba, dont la majorité habite la colline Guamvula, dit que l'argument avancé par ces hommes est un prétexte. Selon Solidaire Mutua Kazi, la vraie raison est que le Mutua de cette localité n'a pas encore compris le bien fondé de se faire inscrire à l'état civil avant le mariage pour ne fisquer prendre deux ou plus de femmes comme concubines. Solidaire de la communauté Batoua remarque que l'administration ne fait pas beaucoup d'efforts pour imposer aux hommes Batoua de changer de comportement comme le fait pour les autres catégories de la population. Et à ce propos, la conseillère chargée des affaires administratives et sociales de la commune Kigamba dit que malgré la sensibilisation, les Batois de la commune Kigamba sont toujours réticents au mariage légal et préfèrent vivre en union concubine. Et pour preuve, selon cette autorité, quand on demande à ces Batois de venir s'inscrire à l'état civil pour les mariages légaux, ils demandent à la commune de leur acheter des habits et des souliers. Et la commune Kigamba prévoit de multiplier la sensibilisation à l'endroit de ces Batois. Et après 3 jours de formation organisée par l'association qui œuvre pour le développement des Batois, IPREBAD, ces Batois ont affirmé qu'ils vont commencer à célébrer les mariages légalement. Depuis Tiankouzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. De Tiankouzo, rendons-nous à Kilundo où nous retrouvons notre correspondant qui nous rapporte que la population dans cette province réclame la réduction des prix du ticket de voyage sur les agences. Surtout que le problème de pénurie de carburant vient d'être résolu. Aujourd'hui, le trajet Kilundo-Bujumbura se paye toujours à 16 000 francs burundais, alors que le prix fixé par le gouvernement est de 13 500 francs. Les responsables de ces agences expliquent qu'ils sont restés sur les prix fixés par le gouvernement en faisant la sommation des prix de Bujumbura-Ngozi de 9 000 francs et Ngozi-Kilundo de 6 500 francs burundais pour ne pas travailler à perte. Le gouverneur de Kilundo, Albert Hatungimana, met en garde ces agences et leur ordonne de retourner sur le prix de 13 500 francs burundais. Faute de quoi, il s'expose aux sanctions. Abraham Safari. La population de la province de Kirundo, qui effectue les trajets de Kirundo-Bujumbura avec des bus des agences Volcano et Gotracom, se lamente comme quoi les prix des tickets de voyage n'ont pas été revus à la baisse alors que le carburant est abondant sur les stations. Aujourd'hui, le prix reste de 16 000 francs alors que le gouvernement, via le ministère ayant les transports dans ses attributions, avait fixé le prix de 13 500 francs. Sur les agences, les responsables signalent qu'ils avaient maintenu le ticket à 16 000 francs pour ne pas travailler en perdant, en faisant la sommation des prix de Bujumbura-Ngozi de 9 500 francs et de Ngozi à Kirundo de 6 500, ce qui fait 16 000 francs. Il signale également qu'ils ont été maintes fois obligés de consommer le carburant sur le marché noir, ce qui leur coûtait énormément cher, et tout cela se faisait pour faciliter leurs clients et surtout garder la confiance. Pour l'agence Volcano, ils nous ont dit qu'ils vont revenir sur les 13 500 francs pour voir si ça sera possible ou pas. Quant au gouverneur de Kirundo, Albert Hatungimana, les prix fixés par le gouvernement de 13 500 francs doivent être respectés scrupuleusement, que sinon les sanctions pourront être appliquées. Il a également mis en garde les motards qui restent sur les prix élevés que tout déplacement en ville dans les différents quartiers de Kirundo doivent rester sur 500 francs au lieu de 1 000 francs. Ici, il a dit qu'il prévoit les réunir ce lundi pour cette question. Signalons que les taximens, quant à eux, ont baissé les prix. Le trajet de Kirundo-Ngozi, qui était de 15 000 francs, est actuellement entre 7 000 francs et 8 000 francs. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Et les habitants de la commune de Mugina en province Cibitoke se plaignent de la montée des prix de certaines denrées alimentaires, notamment le riz, la farine de manioc ainsi que le haricot. Une hausse variant entre 500 et 1500 francs burundais le kilogramme. Karem Vizosa, gouverneur de cette province, dit que cette situation est localisée dans différents coins, mais tranquillise sa population, rappelant que des produits alimentaires vont être importés. Nous y reviendrons. En actualité africaine, ce vendredi 14 octobre marquait le 5e anniversaire de l'attentat terroriste le plus meurtrier d'Afrique. Un millier de personnes avaient été tuées ou blessées dans une attaque suicide au camion piégé à Mogadiscio, une attaque attribuée au groupe djihadiste des Chebab. 5 ans après, la lutte contre ce mouvement armé par l'armée somalienne et les forces de l'Union africaine n'a changé de stratégie récemment, après l'élection d'un nouveau président à la tête de l'État fédéral. Et 2 jours après la nomination de Saleh Kezabo à la primature, l'ensemble du gouvernement tchadien a été annoncé ce vendredi 14 octobre. Une nouvelle équipe d'une quarantaine de membres a été nommée pour aborder cette seconde phase de transition censée aboutir à des élections dans 24 mois. Avec des confirmations, mais aussi des entrants qui ne sont toutefois pas de nouvelles têtes pour les Tchadiens. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Séraphine Hakizimana, au micro Jean Bosco Nduimana. Ne tournez pas le bouton, on est toujours ensemble. Francine Ndihokubgayo me rejoint pour la revue de presse. De la presse. Rebonjour ou rebonsoir. Le prince Louis Ouagasore décelait déjà les problèmes de l'enseignement, constate la voix de l'enseignant. Puisque la promotion de l'enseignement faisait partie des grands chantiers annoncés par le prince Louis Ouagasore dans son célèbre discours du lendemain de la victoire de son parti en 1961. Ce journal fait remarquer que durant les 6 décennies après son assassinat, plusieurs mesures allant dans le sens d'améliorer le niveau d'accès à l'enseignement ont été prises. Il s'agit notamment de la double vacation et l'introduction de l'école fondamentale à la base, du poste fondamental et du système BMD, baccalauréat, master, doctorat au supérieur. Ces mesures ont permis à un grand nombre d'enfants d'accéder à l'école. Malheureusement, regrette son confrère, l'augmentation des effectifs des élèves et du nombre de salles de classe ne s'est pas accompagnée de la mise en place des conditions nécessaires à une éducation de qualité. Aussi, l'inadéquation entre la formation et l'emploi est une réalité qui est à l'origine du taux de chômage élevé et constitue un défi majeur. Pour ce journal, l'enseignement burundais restait rudimentaire, Comme à l'époque coloniale, les lauréats, notamment ceux de l'école fondamentale, doivent regagner les milieux d'origine pour vivre des métiers de leurs parents, comme sous la colonisation par le principe de former un noir intégré dans son milieu. Sans trop exagérer, martèle cet hebdomadaire de l'éducation, l'idéal d'Albert Mauss, théoricien de l'éducation coloniale belge, selon lequel le mauvais n'est pas d'enseigner, mais c'est d'enseigner trop, n'est pas totalement étranger au Burundi. Revue de la presse. La pré-éclampsie et l'hémorragie, identifiées comme principales causes de décès maternel et néonatal, rapporte l'Agence burundaise de presse. C'est le directeur du Programme national de la santé de la reproduction qui a fait cette révélation dans sa présentation sur l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Burundi. C'était à l'occasion du forum de haut niveau des femmes leaders organisé par l'Office de la Première Dame du Burundi du 10 au 12 octobre. Dr Anani Ndachaisaba a précisé que la pré-éclampsie est une maladie de la grossesse qui associe une hypertension artérielle et la présence de protéines dans les urines, rapporte toujours la BP. Cette maladie vient aussi avec d'autres pathologies dont la non-évolution de la grossesse, les maux de tête, les flous oculaires, les douleurs abdominales et autres, explique encore Dr Ndachaisaba dans les colonnes de ce quotidien, prévenant qu'une fois que ces manifestations ne sont pas traitées, elles peuvent conduire à la mort de la mère ou de son enfant. Matana, travailleur des chantiers, en avant et en après, écrit un blogueur du collectif Yaga. En effet, lit-on dans ce billet, depuis la présence des célibataires géographiques à Matana et dans ses environs, en raison des différents chantiers de construction, barrages hydroélectriques Jijimurengue, routes reliant Bururi et Gitega, des accusations ont été lancées à l'endroit de ces nouveaux habitants et non sans raison. Et les chiffres des grossesses non désirées qui ont été enregistrées sont venus comme pour confirmer la nouvelle tendance. Pas moins de 283 cas de grossesses non désirées enregistrés les trois dernières années en province Bururi. Coïncidant avec l'arrivée de tous ces nouveaux occupants, les communes de Songa et Matana sont en tête de liste, ces dernières étant les plus proches de ces chantiers, rapporte ce blogueur de Yaga. Actuellement, la situation semble s'être améliorée, constate ce confrère, expliquant que des mesures fortes furent prises. Il faut dire que cela n'a pas tardé à donner des effets, constate ce blogueur. Des mises en garde par ici, par là, des sanctions avec même des renvois ont été infligés à des récalcitrants. À titre d'exemple, conclut son confrère, deux employés de ces compagnies ont été sommés de quitter Matana et renvoyés de leur boulot à cause de leur méconduite. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Francine Ndokubgayo et Jean Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.